tant d'années passées à descendre au fond. Tu étais de l'ami de ce métier particulier. Tu en avais la fierté, travail dur, pénible. Salaire de misère, combien pour simplement manger, sont allés au Carouet. Cette retraite, ô combien méritée, est enfin arrivée. Mais ces poumons noircis, tels deux soufflets usés, refusaient de fonctionner. Tu ne sortais presque plus, notant sur un cahier le nom de tes amis qui s'en étaient allés. En riant, tu me disais souvent: je compte sur toi lorsque je ne serai plus là. Et si quelqu'un reprend ma place, dormir en paix. 8 ans déjà, maman va souvent te fleurir, et tu n'es pas remplacé. J'avais pour toi respect et affectionnais ces discussions que nous avions souvent. Tu voulais avoir raison. Au fond de ton de cette ville, il faudrait graver en lettres dorées pour que l'on n'oublie jamais tous les noms de ceux qui sont morts et qui meurent encore pour toi, à cause de toi. Charbon,